Chapitre 9e. Condé et toute la contrée, dans un rayon d'une vingtaine de lieues, étaient en révolution. Les invitations de Lady Sarah Barrington avaient été lancées, et celles de Madame Prêt-à-Boine, trésorière de la loterie de Saint-Pierre, les avaient suivies d'autant plus vite qu'elles étaient préparées à l'avance. On ne parlait que du bazar des Anglais dans un certain monde, et dans un autre, il n'était question que de la loterie. Église contre église, ainsi que l'avait dit Madame Prêt-à-Boine, la lutte était franchement engagée. On allait voir quel en sera le résultat. En attendant, le pays s'était divisé en deux camps, anglais et français, protestants et catholiques, libéraux et dévots. La guerre déclarée, elle se faisait à coups de langue, avec plus ou moins de violence, avec plus ou moins de bonne foi. On en était vite arrivé aux gros mots qui, tout naturellement, avaient conduit à la dispute et à la brouille. L'ami avec l'ami, le père avec le fils, les frères entre eux. Dans plus d'un ménage, l'invitation de Madame Prêt-à-Boine, arrivant après celle de Lady Sarah Barrington, avait amené la division et la lutte. « Nous irons chez Lady Barrington, » disait le mari. « Cependant, mon ami, il n'y a pas de cependant, c'est décidé, et je ne reviens jamais sur ce que j'ai arrêté. Tu dois savoir que je ne suis pas une girouette. » Quand un mari a la prétention de n'être pas une girouette, et qu'il est assez naïf pour affirmer cette prétention à sa femme, il est rare que celle-ci soit assez maladroite pour le contredire. Tout le monde sait que tu es le maître chez toi. Tu le montres assez pour qu'il ne soit pas nécessaire de le crier si fort. Je ne veux donc pas essayer de te faire revenir sur ce que tu as arrêté. Seulement, je te ferai remarquer que Lady Barrington quittera Condé un jour ou l'autre, tandis que le comte de La Roche-Audon, le marquis de la Ville-Perdrix, l'abbé Guillemite, l'abbé Fichon, monsieur de la Fardouillère y restent et tu y as tout intérêt. Ce n'est pas une affaire d'intérêt, c'est une affaire de conviction. Je sais bien. C'est pour cela que je n'essaie pas de changer cette conviction. Je dis seulement que tu as tout intérêt à être bien avec ces messieurs, tandis que tu n'en as aucun à plaire à Lady Barrington. » Le confessionnal eut aussi à intervenir et à dire son mot. « Mon père, vous me voyez bien agité, bien tourmenté. Mon mari veut que je l'accompagne chez Lady Sarah Barrington. Ma fille, il faut obéir à votre mari. Ah, mon père, ne m'abandonnez pas. Et comment voulez-vous que j'intervienne entre votre mari et vous, ma chère fille ? Ce n'est pas aujourd'hui que je puis avoir de l'influence sur lui. Ah, si vous aviez suivi mes conseils, si vous aviez amendé son esprit, si vous aviez ouvert son cœur à la bonne parole. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je ne vous adresse pas de reproches. Mais je dis que si vous aviez réussi dans la sainte mission que je vous ai prêchée, vous n'en seriez pas réduite aujourd'hui à me confier vos douleurs et vos craintes. Maintenant, c'est vous seul qui pouvez tenter d'éclairer cette volonté égarée. Mais comment, mon père ? C'est là ce que je cherche en vain. Cherchons ensemble, ma fille, mais avant tout, demandons à la Sainte Vierge de nous envoyer une inspiration. » Et à la maison, dans le silence de la nuit comme au milieu des affaires de la journée, la femme pieuse employait avec ardeur tout ce qu'elle avait de séduction pour décider son mari à ne pas aller chez Lady Barrington. Quelle joie quand elle avait triomphé, mais aussi quelle amertume, quelle blessure qui ne se cicatriserait pas de sitôt quand elle avait échoué. Ce n'était pas seulement parmi ceux qui, par leur position sociale, étaient appelés à aller chez Lady Sarah Barrington ou chez Madame Prêt-à-Boine, que l'émotion était vive. Elle s'était étendue jusque dans la petite bourgeoisie, dans la classe des boutiquiers et des marchands, qui ne pouvaient pas prétendre à l'honneur d'une invitation dans l'une ou l'autre maison. Et les discussions, pour être simplement théoriques, n'en prenaient pas moins une gravité qui amenait des querelles et des ruptures. Chacun se rangeait du parti vers lequel le portaient ses croyances, ses opinions, ses relations ou ses intérêts. Mais il faut dire que dans cette classe, on comptait beaucoup plus de partisans de Lady Barrington que de partisans de Madame Prêt-à-Boine. Précisément parce qu'il existe à Condé une aristocratie qui conserve un reste de grandeur et un clergé puissant. La bourgeoisie est en grande partie libérale et les libéraux, est-il besoin de le dire, blâmés hautement, aussi haut que leur voix pouvait crier, ceux qui avaient eu l'idée d'engager une lutte à propos du bazar des Anglais et du tirage de la loterie de Saint-Pierre. Ah, si ceux qui s'échauffaient se passionnaient ainsi, les uns pour blâmer, les autres pour approuver, avaient connu la vérité, s'ils avaient pu voir le dessous des cartes. Mais comment admettre la pensée que cette guerre qui divisait la ville, brouillait les familles, excitait les passions et les haines, était née d'un simple projet de mariage ? Alors même qu'un esprit plus subtil que les autres eût deviné le plan de Madame Prêt-à-Boine et l'eût divulgué, personne assurément n'aurait voulu le croire ni même l'entendre. Comment ? Ce serait pour que M. Aurélien Prêt-à-Boine puisse se rencontrer avec Mademoiselle Bérangère de La Roche-Audon qu'on aurait jeté tout un pays dans l'agitation et le trouble. Allons donc, c'était impossible. Ce n'était point pour ainsi masquer un résultat qu'on joue avec les choses les plus sacrées et qu'on mettait en lutte les intérêts les plus élevés. Église contre église, cela se comprenait. Mais le mariage du fils de Madame Prêt-à-Voine c'eût été simplement ridicule. Et comme on aime généralement fort peu à se trouver ridicule, on évite de rechercher si l'on a pu l'être, si bien que personne à Condé ne soupçonnait de quelle main était partie l'étincelle qui avait allumé cette guerre. Sans doute, on devinait le rôle important que Madame Prêt-à-Voine avait joué dans cette affaire. Mais son intervention s'expliquait de reste par sa position. On la blâmait sévèrement, ou bien on la prouvait chaudement, sans que l'on appartenait à l'un ou l'autre camp. Mais personne, ami ou ennemi, ne devinait qu'elle avait mené toute cette campagne uniquement dans son intérêt personnel. Pendant que la lutte qui s'était élevée et qui grandissait chaque jour désolait les esprits sages et prudents, elle réjouissait Madame Prêt-à-Voine, car plus elle s'accentuait, plus il devenait impossible que le comte de La Roche-Audon n'y prît point part. Après tout ce qui s'était déjà passé, et après tout ce qui s'était déjà dit, le comte était obligé non à confesser hautement sa foi, ce qui était inutile, car tout le monde la connaissait, au moins à donner à la manifestation publique qu'on entreprenait l'appui éclatant de son nom, de son influence et de son autorité. Madame Prêt-à-Voine l'avait fait tâter à ce sujet par l'abbé Armand. Il avait répondu de manière à la rassurer pleinement. Il viendrait, Bérangère l'accompagnerait, on pouvait compter sur eux. Il n'y avait donc plus qu'à presser les préparatifs de cette fête, de manière qu'il n'y eut aucun retard au jour fixé. Et tandis que Madame Prêt-à-Voine se réservait tout ce qui regardait le tirage même de la loterie, l'abbé Armand voulait bien s'occuper de la collation. Il écrivait à Colmar pour les foie gras, à Périgueux pour les truffes, à Bordeaux pour les fruits, à Angers pour les fleurs et à Paris pour mille choses. On ne voyait plus que lui dans la rue de l'évêché. Il la montait ou la descendait du matin au soir, se hâtant à l'aller, se hâtant au retour, soufflant, étouffant, roulant et titubant, mais en tout cas le plus heureux homme de la ville. Madame Prêt-à-Voine, qui refusait 10 sous à un commissionnaire et qui donnait des centimes aux mendiants en les leur glissant dans la main, lui avait ouvert un crédit illimité et l'en usait largement, n'épargnant pas plus la bourse qui lui était confiée qu'il n'épargnait lui-même son temps et ses peines. Sa réputation était engagée. « vous verrez, disait-il discrètement à ceux qui voulaient l'arrêter. « Je ne puis pas vous en dire davantage, c'est une surprise. Et puis d'ailleurs, je suis pressé. Ah, si ces rues n'étaient pas si roides !»« Une surprise !» Cette indiscrétion, accompagnée des réticences du chanoine, exaspérait la curiosité déjà si vivement excitée. Même dans les divers séminaires, même dans les couvents, chez les sœurs de la sagesse, chez les carmélites, chez les ursulines, chez les serments de Marie, chez les bénédictines, chez les dames hospitalières, chez les sœurs de la miséricorde, de l'adoration perpétuelle, de la sainte famille, de la visitation, de saint Joseph, de la retraite, du refuge, de l'espérance, chez les oblats de l'immaculée conception, chez les eudistes, chez les carmes, on parlait des merveilles qui se préparaient dans la maison de Madame Prêt-à-Voine, sous la direction de l'abbé Armand, à l'occasion du tirage de la loterie de Saint-Pierre, et les gens couraient, et les esprits s'envolaient sur les ailes du rêve et de la fantaisie. Étrange merveille que celle que rêvaient ces pauvres filles qui ne voyaient chaque jour que les murailles nues de leur couvent. On dit qu'on servira des sandwiches. Des sandwiches, ma sœur? Oui, ma sœur, je suis bien certaine du mot. Il m'était dit par la chère sœur Marie-Augustine, qui le tenait de la chère sœur Marie-Sophie, laquelle l'avait entendu chez notre chère mère, de la bouche du révérend père Berloquin, qui lui-même l'avait appris de monsieur l'abbé Armand. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? Je ne sais pas, mais je crois que si nous le demandions à la chère sœur Sidonie Félicité, elle pourrait nous l'apprendre, elle sait tant de choses. Bien que circonspect et prudent au point de n'oser parler de rien, le journal de la bonne doctrine, l'Étoile de la Vallée, n'avait pas pu ne rien dire de cette fête qui préoccupait si vivement tous les esprits. En tête de sa chronique locale, on avait pu lire l'entrefilet suivant. À l'occasion du tirage de la loterie de Saint-Pierre, dont les derniers billets ont été placés avec une rapidité qui prouve combien est vif le zèle religieux de nos contrées, nous croyons savoir que Madame Prêt-à-Voine, trésorière de l'œuvre, est dans l'intention d'offrir une fête à ses invités. On parle de merveille pour cette fête, et les noms des invités que l'on cite sont ceux des personnages qui occupent le premier rang de notre ville, par la naissance, la position ou la fortune. Nous voudrions être plus complets. mais nos sentiments de discrétion que nos lecteurs ont toujours approuvés nous empêchent de répéter les bruits qui nous parviennent à ce sujet. En même temps que nous publierons la liste des numéros gagnants de cette loterie, nous donnerons un compte-rendu détaillé de cette fête qui, dans les circonstances où elle se produit, est une manifestation nouvelle, une affirmation nécessaire de la foi ardente qui anime notre population si profondément catholique. Cette note ayant paru dans le journal clérical du dimanche, le journal libéral Le Rébé de Condé y répondit dans son numéro du jeudi. Mais il y répondit à sa manière. Depuis que ses deux frères ennemis se faisaient la guerre, il était de tradition qu'une chose dont celui-ci parlait n'existait pas pour celui-là, et il suffisait qu'un nom eût paru dans les colonnes du Réveil pour qu'il ne fût jamais imprimé dans celle de l'Étoile. Il ne pouvait donc pas être question de Madame Prêt-à-Boine ni de sa fête. Mais sans parler de l'une et sans nommer l'autre, on pouvait cependant les attaquer toutes deux par un mouvement tournant, se confie. En tête de la chronique locale du Réveil, on lut l'entrefilet suivant. Nous rappelons à nos lecteurs que c'est samedi prochain qu'aura lieu l'ouverture du bazar, organisé par les soins de Lady Sarah Barrington au profit de la chapelle évangélique qu'on construit à Condé. Cette fête sera, dit-on, merveilleuse, et sous la tente que Lady Sarah Barrington vient de faire élever dans ses admirables jardins, se pressera l'élite de la société de notre ville. On parle de surprise féerique. Notre prochain numéro contiendra le compte-rendu de cette fête, qui dans les circonstances où elle se produit, est une heureuse occasion pour notre population, si profondément dévouée au principe de tolérance religieuse, d'affirmer une fois de plus ses sentiments libéraux. Tout d'abord, Madame Prêt-à-Boine avait eu l'intention de donner sa fête dans les appartements de son hôtel. Mais ayant appris que Lady Barrington faisait construire une tente dans ses jardins, elle s'était décidée à en faire construire deux chez elle, une dans la cour, où se ferait le tirage de la loterie, et l'autre sous la pelouse de son jardin où l'on servirait la collation. Par ce moyen, les appartements resteraient libres et l'on pourrait les parcourir en visitant les principaux lots de la loterie qui seraient exposés sur les dressoirs et les étagères. « Sans doute, c'est une dépense, » répondait-elle à ceux qui lui parlaient de ses tentes. « Mais elle était indispensable. On aurait mal vu les lots exposés. Et c'est faire œuvre de reconnaissance envers ceux qui les ont généreusement offerts de les disposer de telle sorte qu'on puisse les admirer. Et de fait, ils étaient, pour un assez grand nombre, admirables. » Lorsque Madame Prêt-à-Boine et l'abbé Guillemite avaient eu l'idée de cette loterie, il avait été convenu qu'on ne demanderait aux donateurs qui devaient fournir les lots rien qui pût les entraîner à une dépense quelconque. Car l'abbé Guillemite avait déjà fait tant d'appels à la générosité, à la charité ou à la vanité, qu'il eut eu de grandes chances pour ne rien obtenir s'il s'était de nouveau adressé directement à la bourse des fidèles. « On vous a donné hier, avant-hier, tous les jours, depuis 10 ans », eût été la réponse avec laquelle on l'aurait partout plus ou moins poliment reconduit. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une dépense nouvelle. La demande était beaucoup plus modeste. Il s'agissait tout simplement de prendre chez soi un objet quelconque dont on ne se servait plus, un vieux bijou, une vieille pièce d'argenterie, un meuble antique, une étoffe ancienne, et de le donner à la loterie. Pouvait-on refuser une offrande si minime? Et l'offrande, sollicitée avec ses ménagements, n'avait point en effet été refusée. Peu à peu et successivement, Madame Prêt-à-Boine avait vu arriver, quand elle n'allait pas les chercher elle-même, les vieux bijoux, croix, bagues, montres, pendants d'oreilles, la vieille argenterie, plats armoriés, salières, huiliers, flambeaux, les vieilles faïences de Rouen ou de Nevers, les vieilles porcelaines de Saxe ou de Sèvres, les vieilles tapisseries, les vieilles dentelles d'Alençon, des meubles, des armes, des jouets, enfin tout un assortiment de magasins d'antiquités dans lequel le trucage n'avait pas glissé une seule pièce fausse. Sans doute, ces objets ainsi réunis étaient d'inégale valeur, mais l'abbé Guillemite, qui en eût montré à l'expert le plus roué, avait tiré dans le tas les pièces les plus remarquables, et c'étaient ces pièces qui étaient exposées dans les salons de Madame Prêt-à-Boine. Le vendredi soir, à 11 heures, tout était terminé dans les salons, sous les tentes et même à la cuisine, pour ce qui devait être préparé à l'avance.